Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Mopu montrer où ban objet et ou bizan faire ce qui mopé dire. Mopu montrer où ban objet et ou bizan faire ce qui mopé dire. Prenez. Prends-li. Prends-li. Donnez-moi les lunettes. Donne-moi lunettes là. Donne-moi lunettes là. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mettez crayon là, l'eau l'enveloppe là. Mettez crayon là, l'eau l'enveloppe là. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Tourne vers là, après attrape ciseaux là. Tourne vers là, après attrape ciseaux là.